An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La Guadeloupe et la Martinique sont-elles sœurs ? Ces îles se ressemblent par leur superficie, leur climat, leur faune, leur flore. Mais qu'en est-il de leurs habitants et de leur histoire ? Car parfois, les sœurs se chamaillent. Guadeloupe et Martinique, qui a voulu planter la discorde ? Frédéric Régent, bonjour. Bonjour. J'ai posé cela comme une affirmation et comme une évidence. Qui a voulu planter la discorde comme une rivalité entre la Guadeloupe et la Martinique ? Est-ce que cela est vrai ? Peut-on dire qu'il y a une rivalité sympathique entre la Guadeloupe et la Martinique ? Alors on peut dire qu'il y a une rivalité entre les deux îles et que cette rivalité remonte à très loin. Elle remonte au début de la colonisation, avant même la colonisation en 1634. Et en 1634, des Français se sont installés dans une petite île des petites Antilles qui s'appelle Saint-Christophe, qu'ils partagent d'ailleurs avec les Anglais. Et le capitaine général de cette île, de la partie française de cette île, s'appelle Pierre Belin d'Estambuc. Et il a un lieutenant qui s'appelle Charles de l'Olive. Et ce lieutenant, eh bien, il a un peu repéré les îles alentours et il se dit qu'il serait possible de coloniser une autre île. Saint-Christophe a été colonisé et notamment avec la mise en place de production de tabac, un produit qui est en très grande vogue, et il se rend compte que dans les îles à côté, il est aussi possible de produire du tabac. Et Charles de l'Olive retourne donc dans le royaume de France, et puis il va préparer une expédition à partir de Dieppe, avec le soutien du cardinal de Richelieu, et il s'associe avec un homme qui s'appelle Jean Duplessis, et leur projet c'est de coloniser, donc ils partent avec plus de 500 personnes, des engagés, des gens qui sont pauvres et qui vont se mettre à leur service une fois arrivés sur place. Et l'idée, c'est que chacun d'entre eux colonise une île. Et bon, ils visent plutôt Martinique, Guadeloupe. Et finalement, en raison d'avaries, de toute une série de problèmes, ils ne colonisent que la Guadeloupe. Et Charles de l'Olive et Duplessis s'installent. Duplessis meurt très rapidement. Et lorsque Pierre Belin d'Estambuc apprend cette colonisation de la Guadeloupe, il n'est pas content et il va envoyer il va lui-même y aller coloniser la Martinique. Et donc, dès le départ, on a des tensions. Ces tensions vont être accentuées par le fait que Saint-Christophe va servir de base arrière de ravitaillement à la Martinique et que Pierre Belin va préférer ravitailler la Martinique plutôt que la Guadeloupe. Et donc l'essor de la colonisation va être plus rapide et plus prospère en Martinique qu'en Guadeloupe. Et vous voyez, nous sommes déjà dans la période 1635-1640. Oui, c'est ça. Le premier tiers du XVIIe siècle est passé et déjà, il y a un regard sur ces îles avec l'idée d'en favoriser certaines. Mais est-ce que la conscience même est là au moment de favoriser ces îles ? Voilà, Frédéric Régent, j'aime beaucoup cette idée que tout part de Saint-Christophe qui n'est pas une île aujourd'hui, qui est au cœur des préoccupations. Cette île, on pourrait la qualifier un peu de base de départ pour aller chercher une colonisation. Mais dans cette rivalité, en tout cas entre la Guadeloupe et la Martinique, qu'est-ce qui va faire pencher plutôt pour la Martinique par rapport à la Guadeloupe ? Eh bien, en 1668, donc jusqu'en 1668, le siège des îles françaises d'Amérique, donc les Antilles, est situé à Saint-Christophe. Et puis en 1668, vu le développement, parce que Saint-Christophe c'est vraiment une petite île, à peine quelques centaines de kilomètres carrés par rapport aux autres qui en font plus de 1000, et le choix va être porté de déplacer le siège du gouvernement général des îles à la Martinique, à Saint-Pierre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Saint-Pierre va devenir gouvernement général. La Guadeloupe n'étant que gouvernement particulier, Saint-Pierre va se développer énormément à partir de cela. Pour vous donner un ordre d'idée, Saint-Pierre, à la veille de la Révolution, en 1789, compte pratiquement 20 000 habitants. C'est-à-dire que c'est une ville qui est plus peuplée que Philadelphie, New York, Boston, enfin les grandes villes des États-Unis. Il y a peut-être La Havane qui est plus peuplée parmi les îles de la côte atlantique de l'Amérique. Voilà, c'est une ville considérable. Et à côté, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, les principales villes de la Guadeloupe, ont autour de 4-5 000 habitants. Donc, et Saint-Pierre va donc être le lieu où se fait le négoce, ou le lieu où se fait aussi toutes les importations d'esclaves, et qui sont ensuite revendues en Guadeloupe. Donc voilà, il y a un développement de la Martinique qui va être, dans le cadre de cette colonisation esclavagiste, qui va être particulièrement plus important que celui de la Guadeloupe. Et les planteurs de la Martinique auront toujours une assise politique, sociale, économique plus importante que ceux de la Guadeloupe. Frédéric Réjean, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris, en Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de La France et ses esclaves, paru chez Grasset, et puis plus récemment chez Talandier, Des maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848. Je donne les bandes chronologiques de votre étude. Mais dans cette idée de population que vous évoquez, il y a des traits à essayer d'identifier entre la Guadeloupe et la Martinique. Est-ce que vous avez dans votre regard à porter sur ces deux îles des différences de population entre la présence d'esclaves, de colons ? Alors oui, il va y avoir des différences. Pas tant en termes de composition de la population, parce qu'à la veille de la Révolution, en gros, la population est formée de 85% d'esclaves dans les deux îles, de à peu près 10% de blancs, enfin de personnes réputées blanches, et de 5% de libres de couleur. Donc les libres de couleur qui sont donc des affranchis et des descendants d'affranchis, plutôt en majoritaire métissés, mais il peut y avoir aussi des noirs libres. Ce qu'il faut préciser, ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est que le groupe des blancs, lorsqu'on l'analyse, eh bien, eux aussi sont métissés. Parce qu'au début de la colonisation, il y avait peu de femmes européennes qui venaient. Et j'ai fait des statistiques sur des paroisses où on trouve 40 à 45% de gens qui sont recensés comme blancs et qui pourtant ont leur arrière-grand-mère qui est noire. Voilà, donc c'est cette société qui est complexe, qui fonctionne selon la réputation des individus et selon leur appartenance à un statut. Ainsi, on peut être ce qu'on appelle mulâtre, c'est enfant d'un noir ou d'un blanc, ou enfant de deux mulâtres et esclave, ou libre de couleur, et on peut même être métissé et considéré comme blanc. Vous voyez, donc c'est cette complexité de population. Mais il va y avoir aussi un autre élément qui va être déterminant dans la puissance des planteurs, ça va être la période de la Révolution française. Voilà. En 1794, donc la Martinique et la Guadeloupe sont envahies par les Anglais. Donc les Anglais, qui ont d'ailleurs le soutien de la plupart des gros planteurs, et donc ces deux îles sont occupées, mais dans le même temps, l'abolition de l'esclavage a été proclamée par la Convention, enfin suite aux révoltes de libres de couleur et d'esclaves de Saint-Domingue. Bon, enfin, on ne va pas s'aventurer à raconter cette histoire, ce serait trop long. Et une expédition est envoyée pour les Antilles, dirigée par Victor Hugues, et il est chargé d'abolir l'esclavage à la fois en Guadeloupe, en Martinique, aussi à Sainte-Lucie qui était française à l'époque, mais toutes ces îles sont occupées par les Anglais. Et là, lorsqu'il découvre que l'île est occupée par les Anglais, alors le chef de l'escadre dit « bon, on fait demi-tour ». Et Victor Hugues dit « non, on descend, on débarque ». Et il proclame l'abolition de l'esclavage. Il réussit très rapidement à armer plusieurs milliers d'esclaves. Et avec ses propres troupes, il fait la reconquête de la Guadeloupe. Il ne parvient pas à faire la reconquête de la Martinique. Enfin, il tente à peine de le faire. Mais en tout cas, l'effet de cette reconquête va être que la plupart des gros planteurs, donc qui s'étaient compromis avec les Anglais, vont partir en émigration. Un certain nombre vont être participés au combat et tués, un certain nombre vont être prisonniers, mais pour avoir fait une analyse très précise, en gros, bon voilà, c'est un des fils qui meurt, mais les autres sont vivants, le père, enfin la plupart, enfin les familles ne sont pas décimées, hein, et il y a des morts, bon peut-être entre 500 et 800, mais il y a 4000 planteurs et leurs familles, femmes, enfants, qui partent, accompagné aussi de 8000 esclaves. Donc ça aussi, ça peut nous interroger sur voilà les relations qui existent entre maîtres et esclaves qui sont très différentes de ce que l'on peut envisager dans la mémoire collective aujourd'hui. Par exemple, on a même un esclave donc, dont j'ai pu tracer le parcours, qui part à la nage rejoindre le bateau de ses maîtres au risque d'être noyé et qui par la suite sera franchi par ses maîtres. Bien entendu, il y a aussi les plus nombreux, plus de 80 000, qui restent, et ceux qui sont engagés dans l'armée, qui combattent et qui obtiennent une victoire donc contre les Anglais, qui permet d'établir ce qu'on appelle la liberté générale, l'abolition de l'esclavage. Avec un écart, c'est vrai, entre ces îles, selon l'occupation britannique ou pas, entre la Martinique et la Guadeloupe. Et il y a ce regard, ce jeu constant entre ces deux îles. Comment se passe cette période révolutionnaire? Peut-on dire que c'est un moment où il y a une accentuation des rivalités? Ou alors, est-ce qu'il y a un combat commun? Il n'y a pas du tout de combat commun. D'un côté, on a une île abolitionniste, enfin qui a aboli l'esclavage, et de l'autre côté, on a une île. Enfin, une île française, républicaine, la Guadeloupe, où l'esclavage a été aboli. Et de l'autre côté, on a une île royaliste, occupée par les Anglais, qui non seulement a maintenu l'esclavage, mais en plus renforce la pression, notamment contre les libres de couleur. Enfin, crée un carcan beaucoup plus intense, qui renforce ces planteurs, d'autant plus que ces planteurs, pendant cette période, peuvent continuer à commercer, parce que ceux qui ont la maîtrise des mers, ce sont les Anglais, et donc les planteurs de la Martinique peuvent continuer à produire du sucre et à l'exporter, notamment en Angleterre. Alors qu'en Guadeloupe, la production s'effondre complètement du fait du blocus maritime, du fait aussi que les esclaves devenus libres ont une plus forte tendance quand même à cultiver de quoi se nourrir plutôt que de cultiver de la canne à sucre pour un sucre qui s'exporte plus. Et l'autre élément, c'est que pour pouvoir se ravitailler en d'autres denrées que les denrées alimentaires, en Guadeloupe va se développer ce que l'on appelle des corsaires. Et ces corsaires attaquent les navires anglais, les navires anglo-royalo-martiniquais, et ceci renforce encore une fois cet écart qui se crée entre les deux îles. Un écart qui se crée de manière économique, on le comprend très bien, et puis aussi dans une posture, et vous nous évoquez ces corsaires, la Guadeloupe rebelle. Mais cette Guadeloupe rebelle pourrait s'inscrire dans un temps plus long. Vous nous avez bien dit, Frédéric Régent, que durant le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, tout passait par la Martinique. En Guadeloupe a pu se développer aussi ce qu'on appelle de la contrebande. Et cette contrebande-là colle un peu à cette image de la Guadeloupe rebelle. Oui, tout à fait. Donc, la contrebande s'est développée. Enfin, elle existait aussi en Martinique. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, encore plus. Ça donne encore plus de motivation pour pratiquer la contrebande. Alors la contrebande, c'est quoi? C'est un, acheter des esclaves de manière clandestine, acheter aussi toute une série de produits dont les planteurs ont besoin, de la quincaillerie, des produits manufacturés en Europe, qui plus est livrés par des Anglais et des Hollandais qui produisent des produits de meilleure qualité et des produits moins chers. Et aussi ce désir d'exporter, par exemple, un produit qui n'est pas exportable vers la France, ce sont les sirops et mélasses. Quand vous produisez du sucre, eh bien vous avez des sirops et des mélasses en excédent. Et ces sirops et mélasses sont vendus notamment aux Américains, d'abord dans les 13 colonies, puis aux Américains. D'ailleurs, c'est un des éléments qui va être déclencheur de la guerre d'indépendance américaine, pour être distillé et transformé en eau de vie. Et d'ailleurs, pour nos éditeurs, si on veut prendre un bon rhum, il faut prendre un rhum qui est fait à partir de la distillation directe du jus de canne et non de ce produit dérivé que sont les mélasses. Alors je le note ça. Voilà. Et donc il faut regarder sur la bouteille, non c'est très important, c'est fondamental, qui est bien écrit agricole. faut pas se faire avoir par vieux Rome traditionnel. Voilà, c'est le terme agricole qui nous montre que c'est fait à partir du jus de canne. Ce jus de canne, non, mais ce jus de canne qui est très important. J'aime beaucoup, Frédéric Réjean, que vous évoquiez ces micro-détails qui font partie de notre imaginaire, parce que dès qu'il est question des îles et dans les rivalités, nous avons notamment les spécialités, Frédéric Réjean. Il y a la rivalité sur le rhum. Sur le rhum. Et c'est un peu plus tard. Hier, nous avons fait dans le cours de l'histoire une émission sur la Bretagne contre la Normandie, ou la Normandie contre la Bretagne, une émission à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, et j'ai dû dire que j'étais normand. Il faut être honnête dans l'analyse. Je vous pose la même question à vous au moment d'évoquer le rhum. Plutôt guadeloupéen ou plutôt martiniquais? Alors, pour le rhum vieux, je dois avouer que je préfère le rhum produit en Martinique. Maintenant, après, pour le rhum blanc, je vois pas trop de différence. Voilà. Mais pour le rhum vieux, je pense qu'il y a un savoir-faire peut-être un peu plus ancien, un peu plus en Martinique. Voilà. Vous voyez, je suis pas chauvin. Je suis d'origine guadeloupéenne. Vous êtes d'origine guadeloupéenne, mais vous préconisez. Alors, le rhum martiniquais, le rhum vieux aussi pour le tiponche ou pas? Bof. Ah, mais moi, je préfère. Alors après, il faut pas prendre un rhum vieux hors d'âge, hein, mais un rhum vieux de 4-6 ans pour le petit punch. Voilà, moi, je préfère les rhums qui font un peu moins de 50 degrés pour le punch. Donc, voilà, bon, écoutez, en tout cas, préparez. Et avec du miel. Et avec du miel. Plutôt que du sucre. C'est noté. Miel pays. Bon, ben on va faire un petit punch, un petit planteur. Alors je commence par le rhum, hein. Je mets ça dans mon récipient. France Culture. Et ensuite, je rajoute le jus. Le cours de l'histoire. Et là, j'ai juste à rajouter mon sirop. Attention, plus c'est sucré, plus c'est traite. Xavier Mauduit. Je vais presser 4 citrons verts. Et après, je pourrais mettre en bouteille. Voilà, dans le cours de l'histoire, des tiponches, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Somaya Dabèche, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Et justement, dans notre réflexion autour des rivalités entre la Guadeloupe et la Martinique, Frédéric Réjean, nous avons bien saisi l'importance de l'histoire par les choix politiques qui ont privilégié la Martinique et qui a des conséquences sur le développement des deux îles. Et puis, il y a dans votre étude, les maîtres de la Guadeloupe, un aspect qui m'a drôlement intéressé, parce que vous le dites dès le début, étonnamment, les victimes sont plus connues que, alors je ne dis pas les bourreaux, mais que les maîtres. Dans l'historiographie, il y avait tout un pan à travailler sur qui sont ces maîtres des esclaves. Oui, c'est vraiment... Alors bon, dans mes travaux précédents, j'avais étudié les esclaves, j'avais étudié les livres de couleurs. Je m'étais dit, je vais étudier maintenant les maîtres et savoir déjà quelle est leur origine sociale. Qu'est-ce que l'on est avant d'être un maître? Qu'est-ce qui conduit une personne qui, des petits nobles, des petits bourgeois, alors voire même des engagés, c'est-à-dire des gens qui sont sous condition de servitude au début de la colonisation, à se transformer en propriétaires d'esclaves. Voire aussi des esclaves devenus affranchis, devenus libres de couleur, eux-mêmes devenir propriétaires d'esclaves. Et j'ai voulu essayer de comprendre quelle était la logique de ces personnes qui vivaient donc au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc j'ai fait ce travail à la fois de généalogie, de recherche des origines, et puis d'essayer de voir comment l'esclavage se développe. Parce qu'au début de la colonisation, entre 1635 et les années 1650, il y a de l'esclavage dès le début, mais ce n'est pas la main-d'œuvre majoritaire employée par les maîtres. Hein. C'est d'abord une servitude européenne, donc des gens qui sont dans des conditions qui d'ailleurs seront transposés ensuite aux esclaves, donc maltraités, humiliés. Et ensuite, donc, avec le sucre, la production de sucre, donc le recours à l'esclavage, pour des raisons à la fois épidémiologiques, parce que à l'époque, ils se rendent compte que les personnes originaires d'Afrique survivent mieux que les Européens dans les milieux tropicaux. Alors, leur explication, c'est qu'ils pensent que c'est la chaleur, que l'homme européen n'est pas habitué à la chaleur, parce que bon, les gens meurent beaucoup de la fièvre jaune. Donc, à cette époque-là, c'est la théorie des humeurs. Donc, on pense que, s'il est mort de fièvre, c'est parce qu'il a chaud. Et alors qu'en réalité, ce sont des maladies qui sont transmises, par exemple, la fièvre jaune ou le paludisme par les moustiques, et qu'il y a une plus forte immunité naturelle des populations originaires d'Afrique subsaharienne contre ces maladies. Donc, ça, c'est le premier élément qui va motiver le choix de l'esclavage des Africains. Le deuxième élément, c'est aussi la servitude des Africains, c'est une servitude à durée indéterminée, à l'inverse de la servitude des Européens qui était à durée déterminée, c'est-à-dire 3 ans. Et là, eh bien, ces esclaves sont sous servitude jusqu'à la fin de leur jour, sauf pour les quelques-uns qui sont affranchis. Et Frédéric Réjean, peut-on dire que le statut de l'esclave est le même en Martinique et en Guadeloupe au XVIIe, XVIIIe siècle? Oui, il n'y a pas de différence, de statut. Maintenant, la modification qui va s'opérer, c'est avec l'abolition de l'esclavage, puis le rétablissement de l'esclavage qui s'opère en Guadeloupe, alors qu'en Martinique, il y a eu maintien de l'esclavage pendant toute la période. Voilà, qui s'opère en 1802, Napoléon Bonaparte, premier consul, remet en place l'esclavage pour la Guadeloupe. Donc, statut identique des esclaves en Guadeloupe et en Martinique, la question se pose pour les maîtres. Il y a si peu de temps que je suis arrivé d'Europe. Tout ici me paraît si étrange. L'île Saint-Christophe ressemble à toutes les îles des Antilles. Si j'avais pu m'installer à la Martinique, à Fort-de-France, il y a au moins une société française. Ici. Ici, il n'y a rien. Rien que la savane et les mornes. Les blancs se comptent sur les doigts. 3 ou 4 familles qui vivent entre elles. Monsieur Depreux, l'agent de la compagnie maritime qui arme le Saint-Jacques. Le stationnaire que commande mon mari. Et puis vous, moi. Et madame Rénal. Le commandant Dubreuil est reparti il y a 10 jours. Il reviendra dans 20. Il restera à Saint-Christophe moins d'une semaine, puis repartira de nouveau. Quand aura-t-il un congé? Dans 16 mois. 16 mois ici. Eh oui, je sais. Ça n'est pas drôle. Mais vous lisez beaucoup. On se lasse de lire. Ah bon, on se lasse de lire, oui. C'est une fiction de l'ORTF, Les Ombres de Madame Rénal, une fiction d'Oscar Paul Gilbert en 1966. Et dans cette fiction, Jeanne Dubreuil se trouve à Saint-Christophe et elle s'ennuie. Et nous l'avons entendu, elle fantasme sur la Martinique. Frédéric Réjean, il y a des différences entre les familles de maîtres, entre la Guadeloupe, la Martinique. Nous avons senti que la Martinique est privilégiée, mais par la volonté de la métropole, du pouvoir. Oui, alors il y a une différence. Alors juste une petite rectification, elle disait Fort-de-France, mais à l'époque ça s'appelait Fort-Royal. Fort-Royal, oui. Et c'est pour ça qu'on appelle les habitants de Fort-de-France les Foyalais, donc alors, souvenir de ça. Pour répondre à votre question. Juste pour pardonner auprès de l'auteur, en fait, il situe sa fiction au XXe siècle, c'est pour ça. Ah d'accord. C'est pour ça. Ah d'accord, ok. Je vous en prie. Effectivement, il y a une différence entre ces planteurs, notamment qui va s'accentuer après le rétablissement de l'esclavage, parce que lors du rétablissement de l'esclavage, donc les planteurs de Guadeloupe, les gros planteurs reviennent et ils sont très endettés, leurs plantations sont en très mauvais état et ils vont avoir un désavantage par rapport aux planteurs de la Martinique qui va s'inscrire vraiment dans la longue durée. Et d'ailleurs, on le voit, après l'abolition de l'esclavage en 1848, on sent vraiment la puissance des planteurs martiniquais par rapport aux planteurs guadeloupéens. Un phénomène, donc il va y avoir une grave crise sucrière en 1884, et là, la plupart des plantations vont être rachetées par des sociétés métropolitaines en Guadeloupe. Et ce n'est pas le cas en Martinique. Et là, il y a vraiment une différence fondamentale. Et d'ailleurs, au début du XXe siècle, le nombre de plantations qui appartiennent à des blancs créoles de Guadeloupe est très faible, alors qu'il est très fort en Martinique. Et ceci va perdurer au cours du siècle, jusqu'à nos jours. Après, bon, il faudrait faire des études un peu plus affinées, mais par exemple, dans les années 1900, la proportion de plantations détenues par des planteurs créoles blancs est vraiment faible. Il y a même aussi déjà des planteurs créole de la Martinique, ce que l'on appelle béquet, parce que généralement le terme de béquet désigne seulement les planteurs de la Martinique. Quand vous connaissez un blanc pays de la Guadeloupe, que vous l'appelez béquet, il va pas être content, il dira non, non, ça c'est pour les blancs créoles de la Martinique. Et voilà, et ça c'est une perte d'emprise sur le foncier que l'on constate dès la fin du 19e siècle, dès le début du 20e siècle en Guadeloupe, ce qui crée quand même deux sociétés assez différentes de ce point de vue-là. Avec quelque chose de passionnant, hein, de se rendre compte que ces écarts sont le fruit d'une longue histoire. Frédéric Réjean, vous venez de citer les béquets, les voici. Je m'interroge quelque peu sur cette minorité qui, quand même, a toujours semblé une minorité privilégiée et protégée. Je parlais de celle des béquets. On est assez surpris, justement. On est très surpris que le fait que les problèmes sont nés de leur origine ethnique. Les béquets sont justement des gens excessivement inquiets, comme toutes les minorités, dans une population où parfois, pour des raisons politiques, ils s'entendent dire qu'ils ne sont pas comme des Martiniquais comme les autres, etc., etc. Pendant longtemps, ils ne se sont pas mélangés racialement. Ils sont restés en dehors de la société martiniquaise, un petit peu comme une caste privilégiée. Et les béquets dont j'ai eu l'occasion de m'occuper sont des gens qui étaient justement inquiets par leur origine ethnique, par le fait que pendant longtemps dans la famille on s'était épousé entre cousins et cousines, et parce que de toute façon ils découvraient l'histoire de la Martinique et qu'ils découvraient qu'ils étaient martiniquais à part entière, parce que quand ils sont en France ils ne sont pas béquets, ils sont martiniquais. Et c'est aussi, ils découvrent quelque chose quand ils arrivent en France, parce que quand ils arrivent en France avec leur nom à particules, ça ne sert à rien. Ça ne leur sert à rien. Ils sont comme tout un chacun dans les rues de Paris, avec leurs problèmes, leur solitude. Marie-Rose Mauny, qui s'exprimait dans les Nuits magnétiques de France Culture en 1992. Marie-Rose Mauny, qui est un pilier des associations caritatives martiniquaises. Et justement, nous avons ici quelque chose qui doit être la grille d'analyse en réfléchissant sur les rivalités Guadeloupe-Martinique, c'est qu'il y a cet aspect social qui est essentiel. Je reprends le modèle de l'émission sur la Bretagne et la Normandie. À aucun moment nous sommes entrés dans le détail de la complexité sociale dans ces rivalités. Or, pour la Guadeloupe et la Martinique, il est essentiel de passer par là. Ce n'est pas la même chose de regarder un Martiniquais quand on est Guadeloupéen selon qui est ce Martiniquais. Oui, bien sûr. Donc là, c'est clairement évoqué dans le reportage. Alors, je voudrais juste dire une chose. Alors, quand on dit que les béquets se mélangent pas, si, ils se mélangent, mais dans le cadre de relations illégitimes. Alors, attendez, hein, là, je suis pas en train de... Je parle de ce que je connais, c'est-à-dire avant 1848. Hein. Je ne parle pas des gens d'aujourd'hui, je connais pas leur vie privée. Mais voilà, on voit dans les familles blanches créoles, à la fois, donc, ils épousent légitimement une femme blanche créole ou métropolitaine, et puis, de l'autre côté, on le voit à travers leur testament, et c'est presque systématique, ils ont des concubines esclaves avec lesquelles ils ont des enfants, qu'ils reconnaissent implicitement en leur donnant la liberté, en leur donnant un bout de terre, une somme d'argent. Voilà, donc c'est quand même une populaire... voilà, et ces enfants illégitimes, on le voit pendant la Révolution, ben ils combattent à côté de leur père contre ceux qui viennent abolir l'esclavage. Donc c'est, vous voyez, c'est une société qui est quand même, voilà, très complexe, d'autant que une chose à ajouter, c'est que ces blancs créoles, ça a été évoqué, le plus souvent, ils épousent ce sont des mariages forcés. Moi, j'ai trouvé des familles où vous avez quatre frères et sœurs qui épousent quatre frères et sœurs, qui sont elles-mêmes leurs cousines issues de Germains. Donc, forcément, ils n'ont pas le choix. Enfin, elles non plus. Ils et elles n'ont pas le choix. À l'inverse, ils ont davantage de choix de choisir une esclave à l'insu de l'esclave ou pour en faire leur concubine, leur favorite et leur donner la liberté. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Et alors, pour ajouter dans la rivalité, le fait qu'à partir du début du XXe siècle, effectivement, donc les béquets qui ont, donc les blancs pays de la blanc créole de la Martinique qui ont surmonter cette crise en étant d'ailleurs aussi plus solidaire, commence à s'installer à racheter des plantations, à acheter des commerces en Guadeloupe. Et donc ça, ça crée encore une rivalité encore grandissante. Tension supplémentaire, eh bien faisons un petit tour en Guadeloupe. Il rêvait. À quoi ressemblerait son île avant que l'avidité et le goût du lucre des colons ne la mettent à l'encan? Au paradis, que décrivait son livre de catéchisme. Hélas, à présent, la forêt était une cathédrale saccagée. Il fallait se contenter de piètres prises. Les chanceux bravaient la mer jusqu'à la Martinique. Fort-de-France était de l'autre côté du monde et l'on rêvait de l'or jaune de Guyane. Au jour d'aujourd'hui, pas une famille qui n'ait sa branche en métropole. On visite l'Afrique et l'Amérique. Les Indiens retournent se baigner dans l'eau de leurs fleuves et la terre est aussi microscopique qu'une tête d'épingle. La traversée de la mangrove, le roman de Maryse Condé, lu par Sandy Boisard dans le cours de l'histoire sur France Culture. Justement, Frédéric Régent, il y a aussi tout un imaginaire qui se construit selon les îles, avec un regard vers le lointain. Ici sont évoqués, par exemple, la Guyane. Il y a tout un monde qui se crée dans cette rivalité Martinique-Guadeloupe. Oui, alors après, il faut pas non plus trop exagérer cette rivalité. Mais par exemple, dans ce lointain, et notamment la Guyane, lorsque en 1902, il y a la catastrophe de Saint-Pierre, hein, donc une ville détruite. Enfin, imaginez, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était plus habité que New York. Et puis Saint-Pierre va devenir une petite commune en termes de population, eh bien, il y a une partie des survivants qui vont émigrer en Guyane. Donc, il y a effectivement cet imaginaire qui existe. Et d'ailleurs, il y a une présence martiniquaise beaucoup plus importante en Guyane que la présence guadeloupéenne, liée notamment à ces événements. Et aussi au fait que la superficie de la Martinique, c'est environ un peu plus de 1000 km², pour 1700 km² pour la Guadeloupe, donc une île un peu plus petite en superficie pour une population équivalente. Est-ce que dans les imaginaires qui se construisent en Guadeloupe et en Martinique, tout ce que nous avons évoqué depuis le début de l'émission laisse des traces? Est-ce que une rivalité réelle, vous nous l'avez dit Frédéric Régent, ou parfois fantasmée, construit une identité? Je suis guadeloupéen, je suis martiniquais parce que je ne suis pas l'autre. Oui, un petit peu. Alors là, faut nous projeter un peu dans le temps, mais avec quand même une forme d'union, parce que il ne vous aura pas échappé que effectivement un Guadeloupéen qui rencontre un Martiniquais, ben il y en a un qui est Guadeloupéen, l'autre Martiniquais, mais arrivé ici dans l'Hexagone, tous les deux sont Antillais. Donc une nouvelle identité se crée. Bon après voilà c'est je pense que c'est un peu comme dans les derbies de football, hein, c'est une forme de on aime bien se chambrer et puis alors oui, il y a quelque chose quand même que j'ai souvent entendu, hein, c'est la couleur des gens. Que les Martiniquais seraient plus clairs que les Guadeloupéens. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Et d'ailleurs, on me demandait, on me voit pas, hein, mais on me demandait, êtes-vous Martiniquais? Ah, vous êtes Guadeloupéen? Ah, ça m'étonne. Ou à l'inverse, je connaissais des femmes martiniquaises foncées auxquelles on disait, ah bon, t'es pas Guadeloupéenne? Alors que bon. Voilà, on est aussi dans un domaine de représentation des choses. Bon, voilà, on est quand même dans l'imaginaire. Beaucoup d'imaginaire, effectivement, et un imaginaire qui construit cette identité, bien sûr. Alors, vous l'avez évoqué, par des rivalités sympathiques qui ressemblent parfois à des taquineries, et puis qui se construit aussi par un destin commun. Connais-tu le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thiémile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, fête le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle, poule et vêtements. Sais-tu, sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi. Chez moi, chanté par Cazet dans le cours de l'histoire sur France Culture. Alors, chez moi, bon, Cazet est d'origine martiniquaise, très bien. Mais le chez moi, en fait, est valable pour l'ensemble des Antilles. Il y a aussi cette construction dans la réalité de cette histoire. Il y a un destin commun. Et ce chez moi est valable tant pour la Martinique que pour les Antilles quand il est question de cyclones, d'esclaves, de nègres marrons ou de folklore, Frédéric Réjean. Oui, tout à fait. Et puis en plus, de plus en plus, vous avez des personnes qui sont à la fois, qui ont un parent martiniquais et l'autre parent guadeloupéen. Donc c'est... Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui, voilà, qui est très fréquent. Alors, peut-être aussi un autre élément dans la rivalité, ça a été le fait qu'il y ait des Martiniquais célèbres. Enfin voilà, je pense à Aimé Césaire, Patrick Chamoiseau... voilà, il y a aussi cet aspect-là de se revendiquer de glissant de personnalité célèbre. Alors, la différence aussi que je vois entre les deux sociétés, c'est une société plus horizontale en Guadeloupe et un peu plus verticale en Martinique. Et du coup, voilà, parmi les figures récentes, enfin de l'histoire de la Guadeloupe, il y a par exemple Élie Domota lors du grand conflit de 2009. Et on a le sentiment en Guadeloupe, voilà, où les conflits sociaux sont beaucoup plus longs, beaucoup plus durs, que enfin bon, alors c'est un peu de la psychanalyse de bas étage que je vais faire, mais de comptoir plutôt. Mais on a le sentiment que voilà, ce rétablissement de l'esclavage fait que lorsque en Guadeloupe on nous retire un droit ou on est plus prompt à se mobiliser, à se révolter qu'en Martinique. Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là. Oui, mais c'est un sentiment qui est intéressant parce que Frédéric Réjean, nous l'avons déjà évoqué dans cette émission. Guadeloupe, un peu plus rebelle, mais par son histoire aussi. Et c'est vrai que dans les mouvements sociaux contemporains, il y a quelque chose qui nous pousse à regarder vers le passé. Vous avez cité Patrick Chamoiseau, le voici. Alors les clichés qui généralement m'agacent, ce sont les clichés qui perdurent dans, je dirais, dans le langage politique. Le premier mot auquel je pense, c'est le terme « outre-mer ». On utilise le mot « outre-mer » pour désigner les pays d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Donc on crée une espèce de sac dans lequel on met des diversités de pays, des histoires différentes, des identités particulières, des berceaux géographiques, des dynamiques qui effacent finalement toute la réalité de ces pays sous un terme générique. L'autre élément, même si on a mis un pluriel, maintenant on dit plus l'outre-mer, on dit les outre-mer. Mais indépendamment de ça, dans l'idée d'outre-mer, il y a cette idée que le centre est ici et que là-bas, il n'y a pas de centre. C'est-à-dire que ces pays ne portent aucun centre en eux, ce qui fait que la modalité du rapport entre la France et ces pays lointains est un rapport vertical, est un rapport de déresponsabilisation, d'assistanat et de dépendance. Patrick Chamoiseau qui s'exprimait en 2012. Hein. À propos de ce terme, l'outre-mer, effectivement, outre-mer au singulier est bien compliqué, outre-mer au pluriel ne dit pas grand-chose non plus. Il y a la nécessité de réfléchir à l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique de manière plurielle, Frédéric Réjean. Oui, complètement. C'est très difficile, effectivement, de réfléchir uniquement entre outre-mer. D'ailleurs, il faudrait évoquer la Guyane, la Réunion, et puis encore plus loin, la Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, enfin bref, et Saint-Pierre-et-Miquelon, et il y en a d'autres encore. Non, c'est vrai que c'est difficile de se construire une identité sous ce terme générique d'outre-mer. Mais il y a aussi une réalité qui existe, c'est-à-dire que ben voilà, les originaires de tous ces espaces ultramarins, lorsqu'on se retrouve ici dans l'Hexagone, on a quand même toujours une communauté qui existe. Voilà, il y a quelque chose qui existe quand on arrive, quand on est ici dans l'Hexagone. Non, mais ce qui me permet de vous interroger sur cette volonté, peut-être vue de la métropole, de casser cette idée d'histoire particulière avec des termes beaucoup plus génériques. Alors on a évoqué outre-mer, c'est moins le cas maintenant, mais il y a eu une volonté de casser l'idée qu'il y avait une venue depuis l'Afrique de population, de faire oublier qu'il y avait une origine africaine et de casser ces écarts-là. Vous n'avez pas ce sentiment-là ? Alors, volonté de casser, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, le résultat, c'est que c'était cassé. Je vais vous donner un exemple. Donc, ma grand-mère, lorsque j'ai retrouvé l'acte de décès de son arrière-grand-père, donc ma grand-mère s'appelait, son nom de famille, c'était Gérand, elle a épousé un monsieur Régent. Enfin, bon. L'acte de décès indiquait que son arrière-grand-père était né de père et mère inconnus en Afrique. Et ma grand-mère, donc qui est née en 1926, qui malheureusement est morte l'an dernier, m'a dit « Oh, heureusement qu'on n'a pas su ça avant, un Africain dans la famille ». Vous voyez, mais ça c'était aussi, n'oublions pas, que la colonisation de l'Afrique, il y avait un certain nombre de fonctionnaires antillais qui étaient envoyés là-bas. Une des plus vieilles associations de Côte d'Ivoire, c'est une association des Antillo-Guyanais qui existe depuis 1950, enfin les années 50, des Réunionnais qui étaient envoyés à Madagascar. Donc il y avait aussi, l'ancien descendant de colonisés devenait en quelque part colonisateur. Félix Eboué, le Guyanais, qui est devenu... Donc le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, qui était en quelque sorte le numéro 2 de la France libre après le général de Gaulle, qui a donné une assise territoriale à cette France libre. Donc voilà, il faut aussi comprendre ce cheminement idéologique qui existait dans les populations, qui finalement adhéraient, enfin une partie, ou tout du moins les élites, qui adhéraient à ce projet républicain, et même un projet français. Et même, je vais vous donner deux exemples familiaux. J'ai le frère de cette grand-mère, il s'appelait, son prénom c'était Napoléon Frédéric Guillaume. Ah oui. J'ai un oncle qui s'appelle Richelieu. Ah oui. Oui. Donc, vous voyez, il y a... Alors, c'était, voilà, c'est un message, c'est le shellcherisme, c'est un message d'intégration, d'assimilation républicaine, donc qui a baigné des générations et des générations de Martiniquais, de Guadeloupéens. Passionnant hein, de se dire qu'il y a un Richelieu et un Napoléon qui sont deux figures de l'histoire de l'esclavage. Tout à fait. Le premier au XVIIe siècle par cette volonté de mettre la main sur les îles. Et le second, Napoléon, qui rétablit l'esclavage en 1804, avant de l'abolir très tardivement au moment de la chute. Et je voudrais préciser, ce sont des gens de couleur noire. Hein, Bien sûr, non, mais c'est ça que, qui est formidable dans cette histoire complexe. C'est une histoire humaine. Frédéric Réjean, c'est ce que vous faites hein, dans Les Maîtres de la Guadeloupe. Mais c'est le principe même de l'historien, travailler sur des gens, sur de la chair, des gens qui ont vécu, avec toujours cette question de savoir, mais comment regarder cet ensemble de populations dans tout ce qu'elle comporte de diversité. Sommes-nous tous nés en 1848 ? Quand en 1998, on commémore le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, M. Jospin, qui est Premier ministre, quel est le slogan qu'il choisit ? Tous nés en 1848. C'est une insulte. Nous, on l'a très mal vécu. Tous nés en 1848, ça veut dire que nous ne retenons que le geste de la Seconde République qui abolit et oublions les 200 ans d'esclavage qu'il y a avant. Or, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne parle que de commémoration, on ne parle que d'abolition. Personne ne parle de l'esclavage. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'esclavage. Vous interviewez Monsieur Tout-le-Monde, il va vous parler de l'Afrique. L'Afrique, nos ancêtres viennent d'Afrique. Mais je rigole doucement, ou alors je suis carrément inquiet. L'Afrique. Mais je vous sors n'importe quel inventaire d'habitation au 18e ou au 19e. Sur 150 esclaves, vous allez trouver 3 fois le mot africain. Ils sont tous nés ici. Ce sont des esclaves créoles. Ça veut dire que la majorité de nos esclaves n'ont jamais connu l'Afrique. Qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Qui ne savent rien de l'Afrique. Le système était fait pour tout casser. Il fallait casser. Ça va jusqu'au nom. On ne vous reconnaît pas votre nom africain. On vous baptise au descendant du bateau. On vous donne déjà un nom chrétien. Raymond Boutin qui s'exprimait dans LSD, la série documentaire sur France Culture, c'était en 2019. Raymond Boutin, l'auteur de La Population de la Guadeloupe. Il y a ça aussi qui est essentiel de saisir cette histoire. C'est cette histoire que vous écrivez, Frédéric Réjean. Cette histoire, en fait, qui parle surtout, et on le sent bien de manière très forte, aux contemporains. C'est une histoire qui construit l'identité, peu à peu. Bah oui. Complètement. Et l'exemple qui est donné là dans le reportage, c'est ces noms qui ont été donnés à l'abolition. Ces noms, alors moi, mon ancêtre, on lui a donné Régent, mais vous voyez, un autre, on lui a donné Gérant, un autre, on lui a donné Blaireau. Mais dans tous ces noms, alors, il y a des références à toute l'humanité, au tout monde. Hein, j'ai eu des élèves, des étudiants qui s'appelaient Gracchus, Cincinnatus, enfin, avec des références dans des villes de France, dans des villes aussi des noms d'origine africaine. Et effectivement, le slogan né en 1848 est insupportable. Ces esclaves devenus libres existaient avant et de plus en plus, il y a un travail généalogique qui permet de remonter d'une génération, deux générations. Et aujourd'hui, les tests ADN permettent aussi d'aller un petit peu plus loin, enfin, dans, ne serait-ce dans les origines géographiques et puis de voir la diversité des origines. Des origines humaines. Les Maîtres de la Guadeloupe, c'est votre ouvrage, Frédéric Réjean, publié chez Talendier. C'est un véritable plaisir de tous ces travaux qu'il peut y avoir sans cesse pour l'identité et notamment tous ces travaux du Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage, en ce moment où nous fêtons les différents bicentenaires, dont celui de Napoléon. Mettre en place tous ces éléments constitutifs d'une histoire globale, c'est essentiel, ça fait du bien et garder les rivalités comme taquinerie, c'est pas mal aussi. Voilà. J'ai bien retenu tout ce que vous avez dit aussi sur le Rhum, mais surtout tout ce que vous nous avez dit sur cette rivalité Guadeloupe-Martinique. Merci beaucoup Frédéric Réjean. On retrouve tout de suite Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Le projet de loi sur la fin de vie revient à l'Assemblée nationale. Si le terme euthanasie n'est pas encore employé, la pratique existe bien au Moyen-Âge, c'est ce que nous raconte Estella Bonafou dans un billet du site Actuel Moyen-Âge avec l'histoire de Renaud Badrin. Le laboureur a alors 40 ans quand un matin de 1446 à Vissou, il se fait mordre par un chien enragé. Si l'on ne sait pas encore la soigner, les symptômes de la rage sont bien connus depuis l'Antiquité et par Renaud Badrin lui-même qui lâche à une voisine croisée juste après l'événement « Je suis mort ». Conscient de sa condamnation, Badrin prend ses dispositions. Il confie ses enfants aux bons soins de son père, rédige ses dernières volontés et fait aussi un tour par le confessionnal pour mettre en ordre ses affaires avant de passer l'arme à gauche. Il se bat malgré tout contre le mal qui le ronge déjà. On lui pose des contrepoisons aux recettes sophistiquées en cataplasme. Il rend visite à un chirurgien parisien et part se recueillir sur le tombeau de Saint-Louis à Saint-Denis, dans l'espoir qu'un miracle ne le sauve. Après tout, Jeanne d'Arc n'est morte sur le bûcher qu'à peine 15 ans plus tôt. La science et le sacré au service d'une cause, sa cause, même désespérée. Estella Bonafou précise que dans son dernier combat, Badrin n'est pas seul. Ses proches sont là qui lui dispensent soins et réconfort. Mais les premiers signes de la rage apparaissent. Agité par des spasmes, la paranoïa typique de la rage le prend bientôt. Il craint désormais la lumière, le bruit et l'eau. Il craint également que ses proches n'abrègent ses jours en l'étouffant dans sa literie. Et effectivement, d'après l'aveu des témoins, on songe à abréger les souffrances de Jean Badrin faute de remède connu. La solution radicale ne fait pourtant pas l'unanimité. Sa femme intervient pour interrompre une première tentative armée d'une couette. D'ailleurs, l'état du malade semble s'améliorer. Le miracle pourrait peut-être faire son œuvre. Mais une nouvelle crise amène son frère Renaud à réunir ses amis pour débattre des solutions à leur disposition pour libérer l'agonisant de ses souffrances. Jean est finalement étouffé et enterré rapidement. Ce que l'on craignait par-dessus tout, que dans son délire, Jean ne maudisse Dieu. Un symptôme répertorié de la rage et se condamne ainsi aux enfers. L'histoire ne s'arrête pas là, une fois Jean installé dans sa dernière demeure. Car au XVe siècle, selon la foi catholique, l'euthanasie, dont on ne dit pas le nom, est un péché mortel comme le suicide. Deux mauvaises morts que le pécheur choisit contre la volonté de Dieu. Son frère Renaud est jugé, mais vite gracié. L'empathie des autorités apparaît donc par la triste fin de Jean Badrin et de ceux qui ont voulu lui épargner les souffrances de son agonie. C'est d'ailleurs une lettre de rémission du roi de France, Charles VII, qui nous permet de raconter son histoire. L'euthanasie n'est pas autorisée par la loi, mais elle est tolérée dans la pratique du pouvoir. Charles VII, celui qui avait été sacré à Reims grâce au lobbying forcené de Jeanne d'Arc, statue à l'encontre des règles de Dieu, sans heurts et sans scandale. La fin de vie dans la dignité, un débat qui court depuis au moins 6 siècles. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel, Vivas et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, nous poursuivons notre enquête sur les rivalités régionales. Demain, Lyon face à Saint-Étienne. Mais qui est la banlieue de qui ? Petit tacle entre voisins.